dans une vieille caisse en bois qui vient de Samoa, je vais faire un trois-mâts. Après quoi je trouverai une fille à aimer qui partout me suivra. Riche de tout cet argent brillant sur l'océan, nous irons, nous laisserons la grand voile traîner dans les étoiles tout du long. Tant mieux si la route est longue, je ferai le tour du monde. Nous irons dans les pays où l'or, les pierreries cachées dans les galions attendent les grands enfants qui ont le soir couchant des rêves d'évasion. Et nous irons dans les îles où pour parler de filles et d'amour on met des chapeaux de lune et des manteaux de plumes en velours. Tant mieux si la route est longue, je ferai le tour du monde. Dans les ports, nous danserons au rythme des flonflons sous les lampions des fêtes. Et nous boirons ces poissons dont déjà seuls les noms font tourner la tête. Nous verrons chaque matin le jour monter sans fin au soleil. Nous verrons glisser vers l'eau des sommets bien plus hauts que le ciel. Tant mieux si la route est longue, je ferai le tour du monde. Lavé par les océans, décoiffé par les vents, brûlé par le soleil. Un beau jour nous rentrerons, les yeux pleins de vision, les lèvres à goût de sel. Notre trois m'apportera du poivre ou du tabac, je ne sais quoi. Nous entrerons dans la ville avec cet air tranquille des grands rois. Tant mieux si la route est longue, je ferai le tour du monde. Tant mieux si la route est longue, je ferai le tour du monde.